Voici un enregistrement que j'ai fait avec Peter en date du 19 décembre de l'année 2011. Donc, il remonte à plusieurs années, mais je l'ai réécouté récemment et je l'ai trouvé très intéressant, d'où la raison pour laquelle j'ai décidé là, de le partager là, sur le web. Au début de l'enregistrement, il est question de son expérience qu'il a vécue lorsqu'il a fait le séminaire avec Bernard de Montréal, qui a initié la conscience supramentale ici au Québec. Par la suite, dans le reste de l'enregistrement, je discute avec lui de conscience et comme je trouvais que la vibration de l'ensemble de l'enregistrement était bonne, eh bien, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous partager cet enregistrement tiré de mes archives. Donc, présentement, je suis dans une période de ma vie où je revisite les archives que j'ai accumulées au fil des ans à l'égard des nombreuses entrevues que j'ai faites avec des invités. Lorsque j'ai fait cette entrevue avec Peter, j'utilisais alors le pseudonyme de Déo de Québec. J'étais sur la station de diffusion web de Radio H2O, alors que présentement, c'est plus le cas là, aujourd'hui, là, dans le sens que avant, j'avais été aussi sur Tactical FM, alors qu'aujourd'hui, non, j'œuvre vraiment sur YouTube, là, sans être rattaché à une station de diffusion web. Donc, le contexte a changé et sur ces considérations, je vous dis bonne écoute, au revoir. Bonjour, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à présent à une capsule hors série qui va être effectuée en compagnie de Peter, qui est avec moi pour la première fois à cette émission du Monde selon Néo de Québec, qui a été un séminariste pendant plusieurs années de Bernard de Montréal. Alors, bonsoir, Peter. Bonsoir, Néo. Ça me fait plaisir d'être sur ton émission, là. Ça fait un certain temps que je suis au courant de ton travail sur les ondes. Et puis, surtout récemment, tes présentations m'ont attiré. Et puis, je voulais contribuer à la façon qui était le plus équitable pour nous deux. J'étais très, très content à la vie de savoir que tu étais intéressé à échanger avec moi. Et puis, ça me ferait plaisir de répondre à tes questions par rapport à qu'est-ce que c'est qu'un séminariste, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis tout le reste de la tralala qui on prend pas au sérieux, mais qu'on peut traiter de la façon qui nous convient. Exactement. Peut-être d'entrée de jeu, parler un petit peu de votre cheminement personnel qui vous a amené à s'intéresser à la conscience supramentale, puis à vivre le séminaire, entre autres, là. Ah, d'accord. Totale inadvertance. C'est-à-dire, étant une chimiste de formation, puis une scientifique de carrière, j'avais dans le temps une femme qui s'intéressait à ce qui était, disons, l'occulte ou le différent. Elle est rentrée chez les scientologues, ce dont je me suis organisé pour la sortir de là. À un moment donné, elle s'est intéressée à des extraterrestres et par le biais de notre ami Richard Glenn sur le CF Cable TV sur la rive sud, parmi certaines de ses rubriques sur les extraterrestres, il s'est présenté un certain Bernard de Montréal à un moment donné, puis ma femme a accroché là-dessus. Elle m'a traîné à un couple de ses conférences avec Glenn de Bernard de Montréal. Ce dont j'étais suffisamment allumé pour dormir à travers et même de ronfler à un tel point qu'elle a eu besoin de me donner un shot là, pour dire arrête de dormir. Puis elle a fait son séminaire, elle. Et puis j'étais de l'opinion, ben gabin là, encore une autre fois. Et j'ai dit, qu'est-ce que ça va me prendre pour te défaire de celui-là aussi? Puis elle m'a dit, je te demande rien qu'une affaire. Fais ton séminaire, puis tu me diras si ça vaut la peine ou non. Et il faut réaliser que dans ce temps-là, 400 $ pour un séminaire, c'était du cash en 84. Puis, une fin de semaine totale. Et puis, je me suis inscrit. Il n'y avait pas eu de problème. J'ai été accepté. Je suis allé dans le but de démasquer Bernard de Montréal comme étant un charlatan, un démagogue, puis une personne qui était meneur de culte. Et puis, disons que j'ai tenu cette position-là jusqu'à peu près 2 heures dans le séminaire, dans lequel, pour moi, j'ai eu un réveil. J'ai eu une... pour manque d'un meilleur terme, une épiphanie. Je me suis ouvert aux possibilités qu'auparavant, je n'avais aucune connaissance. Et puis, à partir de ce moment-là, j'étais embarqué sur un voyage qui m'a amené loin, qui m'a permis de toucher au fond de moi-même, et aussi qui m'a amené ici aujourd'hui là, pour te parler de qu'est-ce que c'est mon expérience. Pas en tant que séminariste, autant que quelqu'un qui vit le supramental, la conscience supramentale et tout ce que ça implique et son importance dans ma vie, et également la possibilité que nous autres, on pourrait partager là-dessus, on pourrait échanger là-dessus et on pourrait bénéficier davantage de notre entretien. C'est ça qui m'importe. Oui, exactement. Pour en revenir au séminaire, c'est quoi l'élément qui a enclenché à l'intérieur de vous le déclic, comme on dit? Je te dirais que, étant donné que j'étais là pour trouver le défaut, le monsieur en question s'est présenté devant où ce que j'étais assis, puis il m'a regardé dans les blancs des yeux, puis il a dit tout simplement, vous savez... que ce que vous avez dans votre tête à l'heure actuelle, c'est pas toi. Puis je partais pour répondre que, mais de quoi tu parles? Puis, tout d'un coup, c'est comme, je te l'expliquerai comme, le dessus de mon cerveau s'est fait exposer. Un rayon ou une luminosité apparue dedans. J'ai vu clairement que c'était justement pas moi qui étais en train de traiter avec la situation, que ce que j'avais l'intention de lui dire était un coup monté, une présentation d'ailleurs dans ma tête, puis c'était pas moi. Je peux te le dire que ça m'a bouleversé. Et pour te le dire, l'expérience des 2 jours qui ont suivi pour terminer le séminaire, c'était une épopée. C'était vraiment une expérience loin et très loin de tout autre que j'ai vécu avant ça dans ma vie et depuis ce temps-là également. Donc, autrement dit, c'est une expérience que vous avez vécue d'une manière pratique à l'effet que c'est pas vous qui pense. Exactement. Que les pensées viennent d'ailleurs. Et pour vous dire, là, en tant que scientifique, en tant qu'intellectuel, en tant qu'une personne rationnelle, j'en avais des conversations dans ma tête. J'en avais des délibérations. Là, je préparais mes coups d'avance, puis comme la plupart du monde, OK, je suis en train de te parler, puis dans ton inconscience, tu n'es pas en train de recevoir la vibration que je t'envoie. Tu es en train de calculer qu'est-ce que je vais dire à ce gars-là. C'est quoi la prochaine chose que je devrais dire? Pourquoi il dit ça, puis qu'est-ce que je peux faire avec? Ah, là, c'est une conversation interne qui se fait. C'est pas une conversation, c'est une réflexion. Mm-hmm. Puis une réflexion... comme toute forme d'énergie, c'est une origine, c'est pas un original, c'est pas une réalité, c'est une illusion. Comme un miroir, c'est une chose que tu vois là qui n'est pas ce que c'est réellement. Et puis, je dois vous avouer que dans la période où ce que j'étais activement un séminariste, qui a duré de 84 à 91 à peu près, avant que j'ai eu raison de partir et faire autre chose dans ma vie, on est allé loin. Okay? On était des personnes organisées totalement différemment de tout bout de la terre, ou presque, du Québec, bien entendu, pour la plupart. On se rencontrait régulièrement, on partageait des aspects de nos vies, on soupait ensemble, surtout dans le but de promouvoir notre conscientisation comme telle. Et c'est pas peu dire parce que l'incompréhension était grande. Notre désir d'avancer était encore plus grand. Et puis, l'utilité de ça donnait que on n'avançait pas, mais on souffrait en Christ. C'était le mot à le dire. Parce que quand tu n'avances pas, ah, tu réussis pas. Quand tu réussis pas, là, qu'est-ce que tu fais? Puis ça a pris du temps avant que la lumière fait son travail, que ça m'éveille aux possibilités. Puis à travers les expériences de la vie, que je me rends compte que, ah, OK, il y a d'autres choses, ça c'est sûr. Mais le désir de vouloir avancer, ça n'en est pas une. C'est totalement inutile, ça ne sert à rien, puis ça ne m'avance pas. Et c'est à travers ces expériences-là et les affaires subséquentes qui n'étaient pas reliées du tout avec le supramental, mais étaient intimement reliées avec ma condition humaine, puis mon expérience planétaire, qui m'a permis de, d'ailleurs, ou d'abord constater mon état, et d'ailleurs de faire l'étude à travers mes échanges avec d'autres personnes, de quoi il s'agissait. Puis une fois que tu es rendu à ce point-là, tu n'es pas loin de la réalisation que, ah, je ne suis pas ce que je pensais que j'étais, mais je suis ce que je réalisais qu'en réalité, ce que je suis. Puis ça, c'est moi-même. Ça, c'est l'expression de mon esprit à travers ma matérialité. Et puis, contaminé, entendu bien, là, par l'ego que j'ai, puis le bagage mémoriel que j'ai, comme on a tous. Et puis, le but de l'exercice, ah, c'est de se rendre compte de ça, puis de la placer convenablement, de l'éclaircir, de l'épurer, de la placer pour que ça me serre et que ça arrête de me desservir. Puis ça, c'est la clé là, dans tout ça. Là. Servir et non pas être desservi. Ouais, ben pour sortir, entre autres, du rôle de victime que l'être humain peut vivre dans son inconscience quand il est assujetti à l'ego, au désir. Ça, c'est une affaire qui va loin parce que ce n'est qu'un aspect. Victime, ça en dit long, parce que moi, mon problème, c'était, j'étais pas victime, j'étais vainqueur. J'étais king, j'étais meilleur. J'étais, tu demanderais à des personnes qui me connaissaient dans ce temps-là, encore plus que maintenant, espérons, j'étais fraîchiant, j'étais Joe connaissant, j'étais meilleur que toutes les autres, puis prêt à le prouver, puis intéressé à le prouver. Puis à un moment donné, là, ça passe plus, là. C'est pas ça qui est l'important, que je sois en compétition puis en comparaison avec les autres. De réaliser qu'on est soi-même, qu'on est ce qu'on est, puis que le but de l'exercice, c'est de promouvoir cet aspect de soi-même et d'être capable de transiger avec, ça nous permet d'avancer dans le dossier, ça nous permet de se surpasser dans ce qui en est de notre condition actuelle. Oui, puis pour y arriver, justement, à transiger avec cet aspect de soi-même, la conscience. Ah, ben ça, là, tu parles, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de méthode, mais il y en a des outils. Puis par outil, je fais référence à la parole, une parole qui s'ajuste avec le temps et avec l'emploi, et surtout le moyen de servir de cette parole-là, qui est l'échange. Et là, je ne parle pas d'interchange, de communication comme tel. C'est pas important que je pourrais te dire que tu sais, la Terre tourne autour du Soleil à une certaine vitesse. Oh, c'est une information. C'est peut-être pratique si j'ai un vaisseau spatial qui a besoin de faire un tour dans le cosmos. Mais c'est pas important, ça. Mais de savoir que moi, j'ai un rôle à jouer sur cette planète-là qui tourne autour du Soleil, puis qu'est-ce que je vais faire avec ça, ça, c'est important. Mm-hmm. Cette importance-là est primordiale parce que on n'est pas la condensation d'une énergie psychique pour rien. On a un but dans le processus, dans l'exercice de notre présence ici. Et le but de notre présence, c'est d'effectuer les changements qui sont nécessaires. Pas de devenir riche, et surtout dans la conscience, puis les séminaristes et d'autres personnes que je qualifie comme spirituelles, pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens à l'éveil de leur essence, l'argent, là, il n'y a pas de plus néfaste en termes d'influence que tu peux en avoir, parce qu'on a besoin de l'argent. Mm-hmm. Mais d'avoir envie d'avoir de l'argent pour ce que ça peut nous acheter, nous procurer, très dangereux, très, très difficile. Puis, je te parle d'une maison où je vis avec ma femme. Puis, on était à l'aise parce qu'on a travaillé assez longtemps pour ramasser assez de sous pour être confortable. Puis ça, c'est une exception, j'ai l'impression, en beaucoup de cas, avec beaucoup de monde. Parce que leur cheminement ne comprend pas cet aspect de confort ou d'aise. Et demain, je pourrais tout perdre. Parce que si je n'ai pas réellement besoin de ça, mais j'ai besoin de l'expérience de tout perdre, je vais le faire, mais je n'ai pas peur de le perdre. Parce que si ça va m'arriver, c'est pour m'arriver. Entre-temps, je fais ce que je dois avec, puis j'avance comme je peux, puis ça me semble raisonnable d'agir ainsi. Oui, dans le sens que ce qu'on fait, ce qu'on a à faire pendant qu'on l'a, puis si un jour on perd la maison ou on perd la santé ou peu importe, ben au moins on aura pu faire un bout de chemin pendant qu'on l'avait. Exactement. Et puis, ça en vient avec notre traitement du moment présent, qui est un terme qui est employé comme un catchphrase, comme une façon de dire « Ah, je suis dans le moment présent, là, puis c'est bien. » Oui, c'est bien, effectivement, mais comment c'est bien? Que c'est que ça amène, là? C'est quoi la différence d'être dans le moment présent plutôt que d'être ailleurs? Puis de se rendre compte que être dans le moment présent, ça te libère de tous les autres moments. Mm-hmm. Les craintes de l'avenir, de qu'est-ce qui va arriver, les regrets du passé, qu'est-ce que tu as fait. Puis, dans la vie humaine, on est capable de faire des méchants capables. Puis, dans les possibilités qui s'étendent devant nous, on est capable de s'enfarger royalement. Mais si tu es dans le moment présent, tu n'as plus ces interférences-là à se présenter. Et c'est à remarquer que l'outil le plus utile dans le moment présent, c'est la parole. La parole ajustée, où ce qu'on se sert de notre verbe pour s'instruire, pour s'informer, pour s'indiquer c'est quoi notre état actuel par rapport à notre environnement et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec. Puis c'est dans cet échange-là, et là je te parle de toi puis moi, on échange à l'heure actuelle. Tu me poses une question. Mm-hmm. Je suis très intéressé par ton intervention. Pas parce que tu sais mieux que moi qu'est-ce que j'ai à faire, mais plutôt par qu'est-ce que tu vas élucider chez moi et qu'est-ce que ça va me solliciter à te répondre pour m'informer là-dessus. Parce que je te parle pas parce que j'aime ça parler à toi. J'aime ça parler, c'est sûr. Toi aussi. Mais être instruit, c'est à un autre niveau. C'est un aspect de la personne qui est imbu par lui-même pour qu'on puisse avoir accès à la partie de nous autres qui est occultée, qui est cachée, qui est dans les sombres endroits de notre psychisme. Oui, ben à ce moment-là, ça devient une forme de réappropriation du psychisme à travers la parole. Mm-hmm. Disons que la pensée, c'est une réflexion d'une forme qui est facultative. OK? Mm-hmm. Tandis que la parole, c'est une forme qui se laisse dans sa créativité selon l'énergie qui l'habite, donc l'énergie que tu lui accordes de ta personne. Comme ça, un, c'est une illusion qui est sujet à interférence, et l'autre, simplement, c'est une présentation de l'énergie dans une forme qui lui convient. Qui la convienne? En tout cas, tu sais ce que je veux dire, là. Oui, parce que... Déjà, ouais. Tu n'as déjà, quand j'ai écouté la rubrique où ce que Léo est tanné de souffrir, j'ai bien compris le message. Ta vibration était claire et limpide, puis ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de voir que tu es capable de transiger avec cette affaire-là, parce que la frustration, là, c'est un état d'âme extrêmement dense, extrêmement turgide. Ça bouge pas, là, ça fige tout. Et tout ce que ça fait, c'est que ça te fait tourner tes roues dans le vide, là, puis t'avances pas. Mm-hmm. Et c'est une forme de souffrance aussi. T'es tanné de souffrir. Ben, être tanné, c'est une souffrance. Donc, c'est comme t'as une double dose de souffrance. C'est pas drôle. Moi, je trouve que en général, les personnes ont la peur d'aventurer, d'avancer, de proposer ce qui est en dedans d'eux autres. Et pas parce que c'est mauvais ou c'est pas possible, mais parce qu'ils ont peur de s'exposer. Et c'est pas eux qui ont peur d'être exposés. C'est les aspects sournois, c'est les aspects retardataires d'eux-mêmes qui luttent contre cette exposition-là. Et communément, si vous êtes en mesure de faire quelque chose, tu devrais le faire. Si tu n'es pas pour le faire encore, c'est normal que tu sois retardé dans ton mouvement. Donc, on a une situation à différencier entre quand est-ce que le timing est bon et quand est-ce que je suis retardé ou interféré avec mon mouvement. Et pour nous autres, en général, ça veut dire quand est-ce que je suis bien. Ah! Quand je suis bien, le bien-être que je peux en avoir à travers mon existence, c'est une bonne indication que les corps sont balancés, l'énergie coule de source et les affaires avancent convenablement. Mm-hmm. Pas besoin de sortir des théories sur l'origine des mondes ou comment est-ce que le psychisme humain fonctionne. Pas nécessaire du tout. Quand t'es bien, et tu le sais. Quand t'es mal en point, c'est là où ce que tu poses la question, « Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Je devrais être, c'est naturel que je sois bien, que je sois à l'aise, que je sois dans mon énergie et que je sois capable de m'en servir. Donc, c'est pas normal que ça soit autrement. Et c'est là où ce que la parole devient ton arme de préférence pour lutter, pour faire cette guerre-là contre l'obscurité qui peut résider en dedans de nous autres. Oui, bien, la parole, autrement dit, ça revient à dire que la parole permet de mettre au grand jour toute l'astralité de la conscience qui est encore présente à nous. Exactement. Et puis, cette astralité-là, c'est... On riait de ça, ou, entre nous autres, quand on sortait des conférences ou des journées intensives avec Bernard, c'était comme si on faisait le petit signe avec les mains, comme blablabla, bla, bla. Puis c'était, tu sais, l'astral est mauvais, puis l'esprit est bon, puis bon, on a appris la leçon pour la énième fois encore. Mais l'important dans tout ça, c'est que c'est toujours la même affaire, mais ça se présente de façon individualisée pour tout le monde. Tout le monde est différent. Donc, tu en as une panoplie d'options puis de possibilités. Moi, je peux pas te dire, mais on mange une crotte de fromage, puis ça va te faire du bien. Et puis, l'autre, là, ben, mange une crotte de fromage, puis ça va te faire du bien. Ben, peut-être l'autre, là, il veut pas une crotte de fromage. Mm-hmm. Il veut une chip. C'est ça que ça lui prend. Ah, mais l'aspect commun de ça, c'est si ces deux personnes-là, ils ont faim, ben, est-ce qu'ils mangent quelque chose? Puis s'ils mangent quelque chose qu'ils ont besoin de manger, ça va leur faire du bien. Ah. Donc, le principe, c'est parler et vous allez vous instruire. Une fois instruit, vous seriez en mesure d'agir en conséquence. Avoir peur, de faire une de ces actions-là te met en subjugation à un aspect de toi qui te retarde dans ton cheminement. Laisse jamais ça arriver. Et c'est très pernicieux, puis c'est très insidieux, parce que c'est toujours de même. Toujours une bonne raison pour ne pas dire ce que tu as dit, pour ne pas parler à quelqu'un, de ne pas l'écouter et s'ouvrir à ce qui a à te contribuer, puis de retourner la faveur, puis partager sur ce plan-là, cette énergie-là, et puis là, tu n'es pas plus avancé que tu étais. Oui, ben c'est ça. C'est souvent que les gens se font prendre par la force d'inertie, puis moi-même aussi, je m'inclus là-dedans, parce que je constate qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à la sentir ou à la percevoir, la vibration, mais très peu vont agir dessus. C'est ça le problème. Mm-hmm. Ouais. Ouais, le senti, c'est le terme vibration, ouais, c'est une référence très spécifique. Et puis, on considère comme communément que toute cette énergie, même la matière est de l'énergie, parce que c'est la fameuse équation d'Einstein et tout ça. Donc, si on considère que tout est une manifestation de l'énergie, l'énergie prend la forme qu'elle habite, ça c'est sûr, mais l'énergie de par elle-même doit en avoir une nature, doit en avoir une présence. Puis là, on considère que cette présence-là est vibratoire, vibrant. Elle bouge, elle est capable d'engendrer le mouvement, elle est capable d'être créative. Mm-hmm. Donc, si on traite ça de même, on dit, OK, donc la vibration, c'est en réalité l'énergie qui m'habite. Donc, si je suis capable de transmettre une vibration, ça veut dire que j'exprime l'énergie qui m'habite. Maintenant, il y en a bien du monde que il prend un coup, ils sont frustrés, fâchés, puis tabassent quelqu'un parce que c'est des bagarreurs. Est-ce qu'eux autres sont en train de transmettre leur vibration? Ben, je te dirais, ils sont en train de se mettre dans la merde. Et puis, à cause de ça, oh, c'est pas intelligent. Et si on considère que amener son bien, augmenter le bien-être, s'exprimer d'une façon qui éclaircit puis qui enlève la lourdeur de nos charges quelconques, ça c'est intelligent aussi. Donc quand tu fais un acte qui n'est pas intelligent, tu subis les contre-coups, les conséquences. Quand vous faites une action qui est intelligente, vous en bénéficiez. Très clair, très simple, pas compliqué. C'est pas compliqué, mais c'est pas toujours facile, mais c'est toujours faisable. Oui. Mais parce que pour vivre constamment en fonction de la vibration, il faudrait quasiment être des robots, tu sais, sans aucune émotionnalité. Ça, c'est une affaire que j'ai écrite à une certaine mesure, puis c'est très important à spécifier pour moi. OK. L'énergie qui habite cette forme-là, c'est le mot à des sens péjoratifs qui sont extrêmement rapprochés. Okay? C'est, pour moi, je différencie toujours entre une émotion et de l'émotivisation, une émotivité. Et la différence que je clarifie là-dessus, c'est que une émotion, c'est saine. Si je regarde un film, et c'est triste, et je commence à pleurer parce que j'ai une peine pour ce que je suis en train d'expérimenter, c'est triste. J'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de trouver ça triste. Pourquoi? Parce que ça, c'est une forme d'énergie qui m'habite. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, après que j'ai fini de regarder le bout de triste, je suis plus triste. Là, je pleure plus. C'est correct. C'est quoi le prochain état là que je suis en train d'expérimenter. Tandis qu'une émotivisation, c'est un état d'âme qui ne t'habite pas, qui t'achale. Et tu es triste parce que tu n'es pas content, tu n'es pas heureux, tu n'as pas de bon, tu n'as pas de job, tu n'as pas d'argent. Donc, à place de aller trouver une blonde, aller trouver un job, aller chercher de l'argent, tu t'apitoies, tu tu restes là, émotivisé au bout, en train de vider ton énergie comme ton sang répandu à terre, puis tu n'es plus capable d'avancer. Tu ne fais plus rien. Tu es retardé dans ton élan, tu ne transmets plus de vibrations, et puis tu es bon à rien, en réalité. Ça pour dire que ça, c'est le... C'est le wake up, bonhomme. T'es là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends pitié? Ça sert à quoi, ça? Ah, ça t'empêche de faire quelque chose? Pose-toi la question. Qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Et fini. Tu vas voir, là, si c'est la chose à faire, ça va aller bon train. Si c'est pas la chose à faire, change de track. Fais autre chose. T'es appelé à faire quelque chose. Fais-le. Le senti, c'est la capacité puis de le transmettre dans une forme qui te convient. Donc, tu regardes le journal pour devenir un gars qui travaille dans un resto ou qui sont... Et puis tout d'un coup, là, t'es dans le resto puis tu rencontres quelqu'un. Puis ce quelqu'un-là, là, c'est, il dit, « Hey, je t'ai vu là dans la rue l'autre jour, là, puis je trouve que j'ai besoin de quelqu'un comme toi. » Puis jamais, là, le nombre de fois dans ma vie que les affaires se sont présentées parce que j'étais en mouvement, ben, tout le temps. J'ai jamais rien fait en restant figé sur place. Mm-hmm. Ouais, ben c'est sûr que c'est important de rester dynamique quand on vit de la souffrance pour éventuellement que d'apporter des solutions créatives, que ça débouche. Mm-hmm. Si t'es, tous les moyens sont potentiellement faisables, disponibles et qui peuvent réussir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en parler, c'est le début. Si en parler, c'est suffisant, tu vas régler ton affaire tout de suite. Ça, c'est pourquoi les affaires comme c'est bon de voir un thérapeute, un consultant, quelqu'un à qui tu peux t'adresser, qui ne te rira pas d'en face, qui va t'écouter. Ça n'a pas besoin d'être un consultant, mais ça a besoin de quelqu'un qui a une ouverture. Mm-hmm. Puis l'ouverture, là, c'est une denrée rare de nos jours, et ça a toujours été. Parce que le monde sont trop pris par leurs propres affaires, et donc l'ouverture n'est pas une affaire qu'ils sont prêts parce qu'ils disent « je suis déjà rempli ». Puis ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'en partageant, on a accès à un champ plus large. Donc la densité de notre affaire diminue. On a plus d'espace à placer les affaires qui nous empêche d'avancer, et puis ça fait rien à l'autre. Ça l'empêche pas, lui. Tes troubles, là, ça lui fait rien, lui. C'est pas ses troubles à lui. Donc, l'ouverture nous permet d'avoir une étendue de possibilités. Et puis, cette ouverture-là, tout le monde peut l'employer. Pas juste la personne qui s'ouvre, mais la personne qui est devant la personne qui s'ouvre. Parce que lui, il en parle. Lui, il sert de cette ouverture-là. Donc, c'est une forme d'ouverture aussi. Puis une fois que tu commences à partager de même, là, tu ne veux plus retourner dans l'ancienne façon de faire, ce qui est compter des bines. Okay? Ah, ben, lui, il me doit ci, puis moi, je lui donnerai ça en retour, puis c'est comme ça, là, on va être ex aequo. Non, le partage, là, c'est open-ended, là, c'est hyperbolique dans sa façon d'opérer. Il n'y a pas de limite. Le plus que tu partages, le plus que tu as. Puis ça, c'est sûr, puis c'est grandissant. Mm-hmm. Mais c'est sûr que au niveau de l'ouverture, ça, c'est un élément, je trouve, qui est important à avoir dans la vie. Et en lien avec la communication, la dimension sur laquelle je travaille dans ma vie, c'est de développer une capacité à faire preuve d'empathie, non pas de sympathie, mais d'empathie. J'insiste toujours sur cette nuance entre ces deux termes-là, parce que dans la sympathie, c'est qu'on prend les affaires des autres sur ses épaules, tandis que dans l'empathie, c'est on constate qu'est-ce que l'autre personne vit, mais on garde une certaine neutralité ou objectivité. Ah, donc tu parles de syntoniser. Ouais, c'est ça. Sympathiser. Ouais. Donc, parce que justement, sympathie, il y a une sympathie vibratoire qui s'établit lorsque deux personnes vibrent en diapason. Oui. On voit ça souvent, surtout entre hommes et femmes, lors de relations soit intimes ou, disons, de proximité. Et cette sympathie-là, c'est comme on sent que la personne est comme nous autres, partage avec nous autres Donc, on a une commonalité. Une syntonisation, c'est purement énergique, c'est purement vibratoire, puis elle est que les deux formes se ressemblent. OK? Et puis comme ça, et ça c'est un aspect d'un principe fondamental qui est le respect. Dans l'échange, il faut se respecter. Et je trouve qu'en général, ton approche avec les interventions que tu fais, puis les personnes avec qui tu parles sur Radio H2O, c'est très respectueux. Puis là, je ne parle pas de dire que tu t'abaisses devant une personne. Là, je ne parle pas hiérarchiquement. Je parle en termes d'être prêt à recevoir ce que la personne va te dire. Mm-hmm. Toujours en sachant que moi, je peux te compter n'importe quoi. Puis, Bernard de Montréal, une de ses fameuses phrases standards, c'était « il ne faut pas croire ». Et puis, justement, croire, ça veut dire investir dans la forme et non pas occuper de l'énergie. Parce que je te donnerai un exemple qu'on est en train d'échanger. Mm-hmm. Puis je te dis X. Puis ta croyance, c'est que X, c'est l'inconnu. Donc, arrête. Oui. Là, qu'est-ce que tu viens de faire? Ah, minute là. À place de me dire qu'est-ce que X, c'est pour toi, tu viens d'assumer la forme que X est pour moi. Donc, tu viens de te priver de l'opportunité de t'instruire sur qu'est-ce que X est pour toi. Et tu viens de me priver la possibilité de savoir qu'est-ce que X veut dire pour toi. Donc, vois-tu que la croyance, c'est l'empêchement de la transmission de la vibration d'une façon convenable pour les intervenants dans un échange. Oui, vous l'avez très bien exprimé. C'est la première fois que, par rapport à la notion de croyance, ça a été amené comme ça. Je trouve ça intéressant. Ouais. Pour moi, personnellement, originalement, parce que j'étais athée, je croyais qu'il faisait référence à des personnes qui croyaient en Dieu. Donc, j'ai dit, oh, il va en avoir un comeback de ça, parce que là, il est en train de dire au monde qui croit en Dieu que de ne pas croire en Dieu. Mais là, après une certaine longueur de temps assez... interminable dans ma part à moi, là, j'ai fini par parler à quelqu'un là-dessus pour me rendre compte, ah, c'est ça que ça veut dire la croyance. C'est l'empêchement de me laisser savoir que c'est que je sais. Parce que je la bloque en plaçant ce qu'un autre a dit là-dessus. On est tous des êtres de lumière. On a tous accès à la lumière à travers la vibration pour s'instruire. Il n'y a pas une personne sur la planète qui n'est pas digne ni capable de faire ça. Mais c'est toujours une question de timing. Il y en a plein. Il n'y a pas personne là qui vient de venir au monde dans le Soudan, dans le Darfour, qui va conscientiser demain. Par contre, si, par hasard, parce qu'on sait qu'il y a toujours des affaires par hasard, un convoi UN arrive en Darfour, puis il y a une madame qui trouve un orphelin, puis elle le ramasse, puis la madame est québécoise, puis là, elle rapporte ce petit enfant noir de Darfour au Québec. Puis 20 ans plus tard, cet enfant-là, ben, il est conscient. Par hasard. Donc, tu ne peux pas te limiter jamais. Tu t'ouvres et à travers cette ouverture-là, tu te donnes accès à tout ce qui existe, toutes les possibilités. Puis c'est très important de ne pas se limiter dans la manière qu'on se présente. Et cette présentation-là est toujours mieux servie par la parole que d'autres choses. Oui, dans la mesure que la parole permet d'exprimer la dimension illimitée de notre être. Oui, et ça, c'est la vibration, toujours. Parce que la vibration est open-ended. Il n'y n'y a pas de limite. Ça va du début jusqu'à la fin, c'est infini, ça comprend tout, puis c'est capable de tout comprendre. Donc, pour nous autres, là, échanger sur une façon intelligente veut dire d'avoir une vibration qu'on peut se lancer, se retourner. Puis, c'est pas facile nécessairement à se couper de la tendance à dire, ben l'autre, il sait mieux que moi ce que je sais. OK? Mm-hmm. Parce que en s'informant à mesure, là, on réalise que, ben là, je suis en train de savoir ce que j'ai besoin de savoir au moment que je le dis. Je suis dans le moment présent et je suis en train de m'instruire, en m'informer de ce que j'ai besoin de savoir. Et l'autre me permet de le faire. Mais l'autre ne m'instruit pas. Il n'y a personne qui va t'instruire sur ton affaire. Seul toi est en mesure de le faire parce que c'est seul toi qui sais pour toi. Oui, ça c'est important que ça soit dit parce que je trouve que c'est un des éléments qui permet aux êtres humains d'être autonomes dans leur démarche puis de se libérer de la croyance en des maîtres, en des gourous, en des sectes. Absolument. Il n'y a pas de plus important que ça. La conscience est individualisée. C'est pour ça. Les principes sont tous pareils. Si les principes sont pareils, c'est comme si tu me dis comment faire marcher ton console, je suis capable de parler, je suis capable de tourner un piton, je suis capable de faire ta job. Mm-hmm. Donc, on est pareil. C'est pas mieux que moi. Que je ne suis pas là, ça, c'est juste un add-on. C'est juste que moi, je suis ici, puis toi, tu es là. Mais l'échange qu'on crée entre nous autres me permet d'avoir accès à ce que tu sais à travers ta parole et que moi, je m'informe en même temps que toi, tu bénéficies de ce que je peux te le dire par rapport à des affaires que je sais. Exactement. Dans le fond, cette conversation-là, en bout de piste, c'est juste un prétexte pour entrer davantage en contact avec soi-même. Justement. Et puis, dans notre cheminement, et tu as parlé, voilà une minute, d'un terme extrêmement important, puis j'essaie de revenir dans le temps pour... mon Dieu, là. En tout cas, ça va me revenir peut-être tantôt. Puis, dans l'échange, on doit toujours en avoir une présence. OK? Mm-hmm. La présence... c'est la capacité de participer ouvertement et activement, sans jugement. Donc, si tu veux décortiquer ce que la personne dit, si tu veux trouver un défaut dans ce qu'il dit, si tu veux prouver ta supériorité de ce qu'il est, justement, tu n'es pas présent, tu es ailleurs. Tu es dans la même place que tes pensées, ailleurs, tout ce qui vient. Tandis que si tu es présent, c'est pas que tu es absent dans le sens que tu n'es pas en train d'absorber ce qu'il te dit. Tu es en phase neutre, tu es en mode réception, et puis tout ce qu'il est en train de faire, c'est de t'amener sur le taux vibratoire que lui, là, pour que tu puisses en bénéficier, que tu puisses rentrer en résonance et que tu puisses monter cette vibration-là pour que lui en bénéficie de ta contribution. Puis c'est cet aspect de l'échange qui est critique parce que lorsqu'on est seul, on n'est pas intelligent. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas connaître des affaires tout seul. Ça veut dire que c'est à travers de cette ouverture-là qu'on est capable de se permettre à l'autre de nous montrer qu'est-ce qu'on sait, de la manière qu'il nous le retourne sans les interférences et les parasites qui nous habitent. Et ça, c'est un aspect de l'instruction de Bernard de Montréal qui est toujours légèrement confondu avec le fait que, on doit travailler sur soi-même, la croissance personnelle, je suis capable de me battre jusqu'au temps que j'arrête de saigner. C'est un non-sens. Mm-hmm. Ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est rentre dans un échange avec quelqu'un. Puis, j'ai donné un exemple préalablement de cette conversation-là, où ce que je vous envoie de l'eau, de ma source. Et toi, tu te poses la question, ce gars-là, pourquoi il est en train de m'envoyer du jus de tomate? Puis là, tu me retournes du limonade. Puis je dis, garçon, ce gars-là, je l'ai envoyé de l'eau, puis il me retourne du limonade. C'est quoi cette affaire-là? Puis là, je dis, ben, le citron, là, ça vient de lui, là. Je connais pas ça, moi. Mais ce qui me retourne, c'est pas ce que je lui ai envoyé. Ah, la différence, c'est ce que moi, j'ai ajouté. Le superflu, le non nécessaire, le parasitage et le retardement que moi, j'ai, qui m'habite, qui me retarde dans mon processus. Puis c'est à travers cet échange-là que tu commences à transiger sur la matière, le nucléaire de ce qui est énergique en soi. Et tu vois, hé, ben si j'enlève le superflu, qu'est-ce qui reste? Ah, c'est de l'eau. Puis là, on échange cette énergie pure là qui nous permet d'aller plus loin, qui nous ravitaille, qui nous rafraîchit, qui nous donne l'opportunité de ne pas s'assécher. Oui, ben c'est une belle image que vous donnez, étant donné que vous êtes actuellement sur la station radioh2o.ca, où ce que... Oui, c'est ça, c'est l'eau, l'image de la station, fait que... Exactement, puis c'est très bien, parce que justement, le H2O... Oui, deux molécules d'hydrogène, puis une molécule d'oxygène. Exactement, puis ils sont en fusion, une forme de fusion, que... Ensemble, c'est comme, est-ce que vous vous rappelez de votre chimie d'école secondaire? Oh, ça fait trop longtemps. Pas trop, là? Non, ça fait trop longtemps. En tant que chimiste, là, je me permettrais une allusion expérimentale, pas un ésotérisme. Et c'est que vous en avez l'expérience où ce que vous mettez de l'hydrogène dans un contenant, puis vous introduisez une étincelle, puis il n'y a rien qui se passe. Là, vous mettez de l'oxygène pur dans un contenant et vous mettez une étincelle, il n'y a rien qui se passe. Mais vous mettez de l'hydrogène puis de l'oxygène dans un contenant, puis vous mettez une étincelle, puis c'est une explosion, un dégagement étonnant d'énergie. Comment ça se fait? Par la combinaison des éléments disparates qui n'avaient pas un aspect ou une composante quelconque, mais dans la présence de l'autre, sont devenus énergisés. Ils ont réagi. Puis l'échange, c'est comme une réaction. C'est comme les deux personnes se combinent ensemble pour faire quelque chose qu'ils n'étaient pas capables de faire tout seuls. Oui, c'est très bien dit comme image. Puis ça me fait penser aussi au phénomène de la fusion entre l'âme puis l'esprit. Donc, deux éléments distincts pour éventuellement donner une nouvelle unité sous la forme du double éthérique. Ça, c'est une partie de l'instruction qui n'est pas personnalisée dans le sens que individualisée. C'est un principe que, d'après ce que j'ai pu constater et ce que j'ai reçu comme information, c'est que, semble-t-il, que l'âme est le moteur qui fait fonctionner le corps. L'être. L'âme, c'est son animus, sa présence physique, émotionnelle et tangible. Et puis l'esprit, c'est comme la tête directrice de l'être. C'est le but de l'exercice, puis c'est la manière qu'on se propulse psychiquement. Puis, à l'intérieur de ça, on a une composante qui représente l'esprit dans la matière. Puis ça, c'est l'ego. Mais cette composante-là, il joue quel rôle? Bien, pour moi, c'était toujours très clair que l'ego, c'est un collimateur, c'est une lentille qui dirige et focus l'énergie de l'esprit renforcée par la présence de l'âme pour accomplir des actions dans la matérielle. parce que l'esprit est impuissant dans le matériel, tandis que l'ego, rattaché au physique comme il est très puissant, mais il a besoin de direction. Le problème, c'est que l'âme est habitée par l'expérience planétaire qui se sert d'instructions fondamentales pour l'être. Les mémoires de son carnet de bord, son livret d'instructions de qu'est-ce qui ne marche pas dans la baraque, qu'est-ce qu'on a besoin de réparer, qu'est-ce qu'on a besoin de clarifier, qu'est-ce qu'on a besoin de s'en débarrasser dans le sens que servir et non pas être desservi par. Mm-hmm. Puis dans ce temps-là, l'ego, il y a une faculté que vous allez certainement apprécier, comme une goutte d'eau. La radio H2O, il y a une goutte d'eau dans son logo. Oui. Qu'est-ce qu'une goutte d'eau a comme propriété intéressante? Ah, ça peut réfléchir la lumière. OK. Une lentille, c'est pareil. Puis, la réflexion, il s'agit, qu'est-ce qui est réfléchi dans l'ego? Ben, d'ailleurs, l'esprit envoie des instructions de l'énergie psychique à l'ego. Donc, si tu regardes un objet qui fait effet miroir, qui réfléchit, qu'est-ce que vous voyez dans cet appareil-là? Une réflexion de toi-même. Mm-hmm. Donc, l'ego semble en avoir le visage de l'esprit sur lui. C'est pas surprenant qu'il se prend pour l'esprit. C'est pas surprenant qu'il se prend pour le boss. C'est pas surprenant qu'il croit que c'est lui qui pense. Parce qu'il dit, regarde-moi, il y a une image de moi sur moi-même. Puis l'âme est présent parce que lui, il affecte le rayonnement, parce que lui, il doit transiger avec la transmission de l'énergie à travers les corps subtils de l'âme. Donc, qu'est-ce que ça nécessite? Ben, en tant que progression, ça nécessite un appareil qui est en santé, ça nécessite un fonctionnement global qui n'est pas empiétiné par d'autres choses, qui n'est pas empêché de fonctionner. Donc l'esprit veut que l'ego s'en occupe de mettre la machine en marche. Et l'âme, c'est le moteur de la machine. Puis l'ego, c'est comme le volant. Puis ça me fait faire une référence comme l'ego, c'est l'instrument de l'esprit. Donc, lorsque vous écrivez un texte, est-ce que vous vous en voulez au stylo quand vous n'aimez pas votre texte? Pas du tout. Est-ce que vous vous en voulez à votre main pour avoir dirigé le stylo dans son écriture? Sûrement pas non plus. Donc, la question, c'est que l'ego, c'est un appareil. Puis lorsque vous avez parler du double lumineux, ben, qu'est-ce qui rattache l'ego avec l'esprit? C'est le double lumineux. Le double lumineux, c'est un bâton, c'est un appareil, une mécanique qui rattache l'esprit à l'ego. Mm-hmm. Puis, un point très important, la définition donnée par Bernard de Montréal lui-même, sur le double lumineux, le double éthérique, c'est la partie, la contrepartie non conscientisée de l'âme. La contrepartie. Donc, ça fait partie, mais c'était ailleurs, non conscientisé. Ce qui veut dire que ce n'est pas intelligent. Donc, c'est une mécanique. Donc, c'est le rattachement qui permet un contact entre l'esprit et l'ego. Mais l'ego, c'est pas l'âme, c'est pas l'esprit. C'est un appareil, un mécanisme, un instrument que l'esprit se sert de pour faire un travail quelconque. Donc, effectivement, le but de la fusion, c'est d'intégrer ces éléments-là d'une façon saine pour continuer une éventualité sur le plan de l'esprit. L'esprit n'a aucun intérêt à être dans le matériel, à part d'effectuer les corrections à son être-té, aux aspects de lui-même qui sont condensés pour être capable d'être tangible, pour qu'il puisse en avoir effet dessus. Donc, on se trouve ici, puis on a des égos ambulants qui se trouvent donc fin, Puis là, on est habité par tout ce qui est de travers dans nos âmes. Puis qu'est-ce qu'on fait avec? Puis une fois qu'on se rend compte du fait que l'esprit est en train de nous passer l'information nécessaire à travers notre parole, qui est la vibration qui vient de l'esprit à travers le double, notre canal, notre contact, appelez comme vous voulez, c'est pas important. Mais dans le moment présent, on l'exprime à travers notre parole. Ah, ça c'est ce qu'on fait pour ajuster les corps. Une parole ajustée est ajustée parce que les corps s'ajustent à son passage. Super! Bernard de Montréal disait souvent, parler, parler, apprendre à parler, ajuster votre parole, puis parler. Il disait ça tout le temps. On était devenus des vrais pics. Mais c'est intéressant la notion d'ajustement, parce que on dirait que c'est perpétuel dans nos vies. Absolument, c'est une évolution. L'évolution de la conscience, c'est en réalité l'évolution de l'être à travers sa conscience. Parce que lorsqu'on regarde qu'est-ce que c'est que la conscience, ben, c'est une direction. C'est par où ce que l'esprit nous envoie pour qu'on puisse accomplir la mission qui nous a été convoquée. Donc, ma conscience, c'est la manière que moi, je dois agir pour m'en aller dans le sens de mon esprit. Il m'apporte une direction, j'ai juste à l'assumer. Puis assumer sa conscience, c'est pas évident. Parce que souvent, on considère que la conscience supramentale, ah, c'est quelque chose là que je peux aller chercher, que je peux arracher des forces. Dans mes meilleurs moments, je les appelle les faibles. Parce que c'est des faiblesses. Mais ça peut devenir des forces. Comme une qualité. C'est juste un défaut qu'on s'en sert bien. Donc, qualité, défaut, force, faiblesse. On est en train d'arranger le tout pour en avoir accès à ce qui compte. Puis ça, c'est un aspect très important de l'instruction. Rester neutre. Être en état de neutralité. Parce qu'une force, ou une faiblesse, ou une qualité, ou un défaut, ce n'est juste des expressions polarisées d'un état quelconque. Et qu'est-ce qui réside au milieu de ces deux polarisations? L'état de neutralité. Et lorsque vous obtenez un état de neutralité, drôlement, vous avez accès aux deux. Donc, si vous avez besoin d'être chiant, vous êtes capable. Si vous avez besoin d'être repentant, vous êtes capable. Parce que ça vous sert de l'être. Et non pas de subir cette condition-là tout le temps et avoir les conséquences. Oui, je comprends, dans le sens de ne pas être figé dans une forme, que ce soit quelqu'un qui est chiant ou repentant, mais d'être capable de l'être temporairement, si dans le moment présent, c'est intelligent qu'il soit. Absolument, absolument. Lorsque vous servez d'une situation ou d'une condition, ça veut dire que tu te libères de cette forme-là et vous êtes capable d'en bénéficier, d'en profiter. Donc, on sait tous que des fois, il faut être dur et des fois, il faut être doux. Ben, c'est correct. Tant que tu es entre les deux, en totalité, t'es bien, parce que tu peux faire une ou l'autre. Il y a des durs à cuire, là, ils n'avancent pas dans la vie. Ils souffrent énormément. Il y en a des mous, c'est pareil. Habiter une forme quand l'énergie n'est pas en diapason avec, créer automatiquement une situation de conflit et puis une friction que ça chauffe. Puis on subit cette friction-là comme étant souffrance. On n'est pas dans notre énergie, on subit notre énergie. Puis on ne doit jamais subir notre énergie, on doit toujours le soutenir, puis en profiter, puis servir de notre énergie pour nous avancer dans notre cheminement. Oui, tout à fait. Et tantôt, on parlait des qualités, des défauts, puis c'est comme si... c'est comme des jeux, hein? On a nos qualités, nos défauts. Puis on est donc fiers de nos qualités. Hein? On est donc bons, là. Puis cette exaltation-là, c'est quoi? C'est la vénération de la forme. Puis on haït, là, nos défauts. Ça nous empêche, nos défauts. C'est la vénération de la forme, une fois de plus. C'est juste que on a un sens péjoratif. Et puis comme ça, qu'est-ce qui nous arrive? On se balance d'un à l'autre en essayant de transformer nos qualités en défauts, plutôt que de s'en servir lorsque c'est le temps, en étant neutre face à l'éventualité. J'ai eu une conversation en fin de semaine avec un ami, puis je lui ai dit par après, parce que on le laissait parler, j'ai dit, je suis très content pour toi de savoir que tu as résolu ton problème. Mm-hmm. Puis il m'a regardé et il dit, de quoi tu parles? Parce que je suis souvent énigmatique. Puis j'ai dit, ben, on discutait un problème que tu avais, puis dans tout ce que tu as dit, j'ai entendu la solution à votre problème. Puis il m'a dit, ben, c'était quoi? Puis je lui ai répondu, tu t'écoutais pas. Puis là, c'est devenu une discussion assez profonde, merci. Parce que justement, quand on ne planifie pas ce qu'on est en train de dire parce qu'on est dans le moment présent, il faut qu'on s'écoute. Autant qu'on écoute l'autre quand il nous parle. Parce qu'on s'instruit. C'est très nécessaire de faire attention à ce qu'on dit. Être ouvert à soi-même autant qu'à l'autre. Exact. Mais c'est pas évident non plus de le faire, tu sais, ça demande de l'attention, ça demande un entraînement, c'est pas du jour au lendemain, tu sais, que... En tout cas... Ça prend un respect. Ouais. Si tu te respectes, puis tu respectes l'autre, tu sais qu'à un moment donné, ça va créer l'ouverture parce que tu n'as plus peur de l'autre. Est-ce que tu as peur de quelqu'un que tu respectes en général? Ben non. Ben non. Parce que tu sais que cette personne-là, il y a du bon sens, tu le respectes. Là, on parle en termes, disons, un peu farfelus, parce que ça a l'air à sembler être un non-sens. Mais c'est sûr là, que si je respecte quelqu'un, mais peut-être qu'il va me jouer un salto. C'est pas cette sorte de respect-là de ce dont on parle. Le respect de l'être, le respect d'une personne en évolution, un être qui fait un chemin, un cheminement, qui lui amène jusqu'à nous. Je m'excuse, là. Si tu es devant moi, si tu t'es rendu jusqu'à moi, je vais te respecter assez pour savoir que je vais t'écouter parler. Je vais vouloir savoir qu'est-ce que tu sais, toi. Et je vais faire mon possible de partager avec toi ce que je sais. De retour, parce que c'est une forme de respect. Mm-hmm. C'est que ça doit pas être facile non plus dans le miasme, dans le carrefour de la conscience. On entend de toutes sortes de choses. Le monde va dire n'importe quoi, et c'est très bien. Comme Ménard a dit dans ton entretien avec lui, demander à quelqu'un de parler de n'importe quoi, c'est pas lui demander de dire n'importe quoi. Ça veut dire de s'ouvrir puis d'exposer ce qu'il a à dire sur un sujet qui lui appartient. Puis dans ce temps-là, ça lui fait du bien. Puis ça te fait du bien aussi. Parce que tu le respectes et il retourne la faveur en faisant ce que tu lui as demandé. Donc, à travers toutes les expositions que les personnes peuvent faire, même des personnes qu'on va mépriser, même des personnes qu'on va trouver qui sont déplacés. C'est pas grave. Ça, c'est notre discernement qui peut être utile à faire la part des choses. À distinguer entre ce que la personne m'apporte qui est pour moi et ce qui dit qui n'est pas pour moi. Il n'y a aucun besoin de débattre ou de contester ce que tu me dis ou ce que je vais te dire. Parce que je te le dis, ah, c'est ça que je vois. Et quand tu complètes avec ce que toi tu vois, ah, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on vient de faire? Ben, on appelle ça une opposition créative. mais opposition dans le sens que ce qui est entre nous, moi je le vois de mon angle, de mon bord, et toi tu le vois de ton bord. Et toi tu viens de me décrire ce que tu vois que je ne vois pas parce que c'est de ton bord, et vice-versa. Donc on vient de faire le tour de l'affaire en l'exposant. Et quand tu fais ça, ça donne une vision de 360. Tu vois l'entièreté de l'affaire. Puis ça, c'est pourquoi, d'abord, on n'est pas intelligent seul, entre autres. Et également, le fait que, hey, on vient de faire le tour de l'affaire, tu viens de m'exposer ce que tu vois de ton, ta perception, de ton orientation, de où ce que tu es placé, qui me bénéficie parce que là, je vois comme si j'étais en arrière de l'affaire, autant que je suis de le devant. Oui, la magie d'avoir plusieurs points de vue sur une même situation pour en avoir une lecture beaucoup plus complète que tout seul. Exact, exact, exact. C'est tellement bénéfique, puis c'est tellement fonctionnel, puis c'est tellement primordial dans l'échange qui s'établit entre deux personnes. Et la seule chose qui est meilleure que ça, c'est la possibilité d'en avoir une intimité avec la personne, pour que les doubles lumineux soient conjoints, soient capables de s'arrimer sur leur plan, pour que la connexion ne se fait que seulement horizontalement ici, mais également horizontalement sur le plan du double. Parce que ça, c'est puissant. On appelle ça monter au deuxième étage. Si on peut le dire de même, c'est payant de monter au deuxième étage. Parce que justement, tu n'as pas juste une vision à 360 de ce qui est entre vous deux, mais vous avez la vision au-dessus de ce qui est entre vous deux. Puis ça, c'est pourquoi il y en a, le couple est important, et ça, c'est pourquoi l'astral fait tout dans son possible pour fracasser le couple, pour empêcher que les personnes s'arriment avec leurs vibrations pour partager davantage ce qu'ils savent. Oui, mais c'est sûr que c'est intéressant la notion, tu sais, on parle de 360 degrés, ce qui m'est venu en tête, c'est qu'éventuellement, ça devient multidimensionnel dans toutes les directions, puis c'est... Tout juste. Ouais. Ouais. C'est justement la nature multidimensionnelle. On a eu une discussion, un échange par rapport à la nature de l'âme, son contenu, et notre capacité de l'explorer. Et on est venu à la conclusion que, à travers notre parole, à travers l'échange, à travers le constat de ce qu'on est et l'étude de ce qu'on fait, on révèle le contenu de notre bagage mémoriel, de notre expérience planétaire, de notre aspect animique. Et c'est tout ce qu'il nous faut pour avancer. Ça, c'est le carnet de bord, ça, c'est le livret d'instruction de tout ce qu'on a à faire dans la vie. Et on le manifeste à chaque jour. Puis, c'est clair à 100% que c'est ça, la valeur de la vision que l'autre nous apporte. Parce que l'introspection par soi-même, tu ne verrais jamais ce que tu vois en toi. Hein? Parce que tu ne regardes pas, tu ne fais pas tout le tour de toi-même. Tu n'es pas capable. Mm-hmm. C'est impossible. Et puis, c'est comme avoir un pack-sac sur le dos rempli de stock. Puis, tu es beau tourner en rond, tu ne vois jamais ce qui est dans ton dos. Tandis que l'autre, il dit, minute, là, arrête, puis je vais regarder dedans pour te dire ce que tu traînes. Ah, c'est correct. Là, maintenant, on sait qu'est-ce que c'est, puis on peut transiger avec. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est ça que l'autre peut nous servir de lumière ou de lanterne pour éclairer nos zones d'ombre. Mm-hmm. Effectivement, cet aspect, on parlait de réflexion tout à l'heure, être réfléchi, puis le dicton qui est l'autre est mon miroir ou sert de miroir, j'aime beaucoup plus que tu l'as exprimé comme lanterne ou comme phare, comme illumination sur nous-mêmes. Mais c'est sa vision qui compte, pas juste son illumination. Okay? Parce que sa vision vient de sa perception, et puis en plus, son expression qui nous le transmet. Puis ça, c'est sur un niveau. Sur l'autre niveau, ben ça c'est quand on monte au deuxième étage, quand l'énergie, le taux vibratoire accède où ce que la multidimensionnalité rentre en ligne de compte et on a une vision totale, pas juste à 360, mais de haut en bas. Oui, dans le sens que la vision est plus limitée au niveau de l'ego, mais là, on a accès directement à l'esprit, à la source. Mm-hmm. Oui, justement, cette notion-là, que l'esprit en nous est capable de s'exprimer à travers nous, c'est très fondamental. Parce que c'est ça qu'il est en train de faire. L'esprit, c'est juste nous sur un autre plan. OK? Puis on est pas téléguidé, on est comme... On se fait envoyer une lettre, puis on ne sait pas lire, puis on ne sait même pas que c'est une lettre, puis on ne sait pas comment ouvrir la lettre. Mais à travers l'expérience de la vie, on apprend, ah, c'est ça une lettre, ah, c'est comme ça que ça s'ouvre, ah, puis il y a des écritures dessus, puis je dois les lire, puis je finis par savoir c'est quoi ça veut dire, cette missive-là, là, cette communication. Puis à la mesure que ça se transmet, ça se transmet par la parole. Il n'y a pas d'autre moyen d'aller chercher ça. C'est disponible. Et c'est pour ça que l'homme, en tant qu'animal, a eu la formation des centres psychiques qui ont donné une forme physique qui était capable de former la vibration de façon sonore à travers son palais, puis sa bouche, puis blablabla, bla, bla, pour qu'on en arrive à concrétiser la vibration. OK? L'instruction, c'est vibratoire, toujours. J'étais curieux de savoir si vous aviez vu le film Dune. Absolument. Puis... Et j'ai lu les livres aussi. OK, bon. Parce que moi, j'ai pas eu la chance de lire les livres, là, mais dans le film, ce qu'on nous présentait, c'était le pouvoir de la vibration de la parole qui s'exprimait à travers, bon, c'est de la science-fiction, mais il y avait une capacité à travers le héros du film qui... à travers une espèce d'appareil là, futuriste, d'amplifier la vibration pour détruire, par exemple, un bloc de très très massif, très rigide, très solide, ou des ennemis aussi, avec le pouvoir de la parole. D'accord. Et puis, justement, il y en a beaucoup d'aspects à ça, à plusieurs niveaux. Je sais très bien, un général ou un corporal ou un sergent a juste à dire le mot « attaque ». Puis peut détruire son ennemi. Mm-hmm. Pourtant, ce n'est pas une action, c'est une instruction. Par contre, on sait que la résonance, c'est une force. Si vous êtes au courant ou vous connaissez Nikola Tesla? Oui. OK. Nikola Tesla, dans la fin des années 1800, se promenait dans la ville de New York avec un petit appareil que c'était pas un métronome, connaissez, là, mais un petit appareil qui vibrait. Puis, ce qui l'intéressait, dans sa façon, je dirais peut-être un petit peu hurlu-burlu, c'était il regardait les formes en construction, puis il essayait de déterminer s'il y avait une vibration résonante pour la structure en question. Puis, avec son petit appareil qui posait sur un bim d'acier, qui vibrait, qui faisait toc-toc, toc, toc, toc, toc, toc. Ça faisait tellement vibrer le bâtiment que les travailleurs dessus ne pouvaient pas rester dedans. Puis c'est un appareil qui était tenu dans sa main. Pourtant, c'était un bâtiment là, qui était une gratte-ciel. Puis ça, c'est la sorte de chose que ça nous fascine peut-être, ou ça nous éblouit. Mais la résonance, c'est une fonction de l'énergie qui est dynamique, comme une dynamo. C'est capable d'augmenter la force juste à travers la répétition. Un petit peu pourquoi je dirais que les personnes croient que répéter des mots, comme un mantra, peut avoir du pouvoir. Il y a toujours du pouvoir. Il a le pouvoir qu'on l'accorde, mais elle n'a pas de puissance. Okay? La puissance étant la force en action. Et la force en action, c'est jamais une croyance. C'est toujours su. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, parce que avant d'amener la nuance, c'était sur quoi la puissance, J'avais cette question-là dans la tête au même moment. Comment que vous définissez la puissance par rapport à la croyance? Justement, notre existence est une existence de retardement. Toute notre historique est basée sur les personnes qui se sont faites empêcher d'une manière quelconque. Et cet empêchement, c'est l'exercice du pouvoir, la domination, l'hiérarchisation de l'énergie. Et je vous dis très sincèrement que dans ce qui est l'horizontalisation de notre énergie, il ne peut pas avoir de domination parce qu'il n'y a pas d'hiérarchie. Il n'y a pas de un par-dessus l'autre. C'est simplement un état qui est partagé entre personnes. Donc, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que la puissance est engendrée par la contiguïté des personnes en proximité. C'est comme la différence, ben, pour moi en anglais, la différence entre knowledge puis knowing. Connaissance et savoir. Knowledge changes everything. Knowing changes everyone. Les connaissances, c'est des affaires. Mais le savoir, c'est la capacité de transiger avec l'énergie de la forme et non pas être englobé par la forme. Ouais, c'est intéressant. Le temps file, va falloir penser à compléter l'entrevue. Pas de problème. Fait que, ben écoutez, ça a été un plaisir pour moi de discuter avec vous. Et puis, dans le fond, est-ce que vous aviez quelque chose à annoncer en terminant? Ben, en fin de compte, dans la rubrique de Radio H2O, ben, je ne suis pas encore en communication avec Q3, qui est responsable, mais il a proposé la possibilité de passer des annonces pour la compagnie que ma femme et moi ont débuté très récemment. Ben, ça fait 5 ans quand même déjà, mais c'est des produits naturels, soins pour la peau, des crèmes et des lotions qui sont faits entièrement naturels de plantes. Il n'y a aucun produit chimique, il n'y a aucune synthétique, il n'y a aucun pétrole ou dérivé de pétrole dedans. C'est des produits qui sont faits en petit batch à la main, ici à notre domicile, où ce qu'on a un petit laboratoire en bas. Quand on est scientifique et chimiste, on aime ça être dans le laboratoire. Et puis, ma femme, étant infirmière et avoir suivi des cours en naturopathie, puis en herbologie, en tout cas, comment est-ce que les affaires naturelles sont employables à place des affaires synthétiques pour guérir. Et puis, nos produits sont sur notre site web. C'est commandable en tout temps. Et nos produits sont ajustables aux besoins de la personne en plusieurs cas. Et puis, toujours personnalisables. C'est-à-dire que Néo, si tu veux avoir une crème qui va guérir l'eczéma que vous en avez à cause du stress que vous vivez, ben vous en auriez une commande de crème à eczéma de Divine Douceur pour Néo. Et puis, ça vous parviendrait par après à un prix très modique. Et puis, c'est très efficace. Et la seule autre chose que je mentionnerai également pour vos auditeurs, c'est ma présence et la présence de plusieurs autres personnes qui sont très similaires à moi. Au site du Conseil supramental ou le Conseil mondial de la conscience supramentale. Et puis, mon site de la compagnie, c'est divinedouceur.com. Et puis, le site du Conseil, c'est supramental.ca. Donc, ces deux sites-là sur le web, ça vous en amènerait à découvrir des affaires qui vont être capable de vous servir. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Ben, ça fait un plaisir. Puis, n'importe quand que vous voulez partager vos affaires avec moi, ça serait toujours le bienvenu également. Parfait, bye bye. Merci.